parler. Parler de la pluie, du vent, de ses beaux yeux d'enfant. Hello, hello, hello, petite demoiselle.

Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Il est 13h32, voici le retour avec, bien sûr, l'accordéon. Voilà donc, bien, j'espère que tout va bien avec, bien sûr, la musique et puis que vous avez passé une bonne matinée avec Lionel, avec Mission Découverte et que vous allez le retrouver donc, bien, la semaine prochaine entre 10h jusqu'à 12h30. Voilà pour nous, sommes ensemble jusqu'à 16h avec monsieur l'accordéon, avec du tango, il y aura la bourrée, il y aura aussi du fox et puis d'autres musiques différentes. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec, bien sûr, la valse et puis suivi par le tango. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. jeunesse envahit les chemins. Près d'un humble village entouré de sapins, se sont installés les musiciens. Accordéon, rire et chanson, cascade de ballon en ballon. Et là sous les lampions, tous les garçons à Marika chantent ce refrain-là. Délaissant la vallée, Pierre le petit berger, pour un jour a quitté son troupeau. Il est venu ce soir pour rire et s'amuser, et revoir les filles du hameau. En le voyant, si bien versé, Fleur du Tyrol en ses bras balancés, sans pourtant se douter que le berger, comme un voleur, lui prendra son petit cœur. Simplement sur 300.

avec. Quand on s'est perdu, je me suis trouvé bête. Moi j'étais à pied, elle avait une bicyclette. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tu deviens fada. S'il le faut, je prierai Lucifer. T'iras en enfer. Pour que demain je la revoie. Mais qu'est-ce que tu crois? Elle me rentre jusqu'à la déprime. M'appelle anonyme. Mes amis, je l'ai retrouvé. Comment as-tu fait? Une fée est passée par là. À braquer de bras. Si d'aventure vous visitez les rues de Québec, souvenez-vous de mon histoire. Moi, je vous dis bonsoir. La, la, la. Voici donc le country, puis celui de Mason. Voici donc un autre morceau, Madison, et puis juste après, du Passo. Si vous prenez l'écoute, eh bien, je vous aide de passer bon après-midi à l'écoute d'Arc-en-Ciel avec bien sûr de l'accordéon. cha-cha-cha, cha-cha-cha, le mambo et la salsa, la salsa, et balance à petit pas, petit pas, sur les hanches, il faut voir ça, faut voir ça, c'est la plus belle de Cuba, de Cuba, elle remue du haut en bas, du haut en bas, et elle s'appelle Awanita. Du côté du Picardie, et puis juste après la valse, retour. de ma vallée, c'est le berceau. Un torrent clair au pays des nuages jaillit du ciel, là-bas, là-haut. Valse, valse, ma valse mine, j'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle sonne les clavines, c'est le chant de mon pays. Près des rochers où le chevreuil s'élance, où le chamois saute en plein ciel. Entre les fleurs valserines qui dansent, les fleurs qui font le miel. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle sonne les clavines, c'est le chant de mon pays. Au mont Jura, étrange sortilège qui prend naissance au Valijou. Si le vent frais vient du près de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Oh, ma vallée la plus verte du monde, ma valserine au nom dansant. C'est dans ton calme et ta douceur profonde que je voudrais vivre 100 ans. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle sonne les clavines, c'est le chant de mon pays. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouille. Voici donc les castagnettes. Le joueur de castagnettes, avec sa boîte d'allumettes, il sait mettre de l'entrain pour ses amis musiciens, tout le monde l'aime bien. Le joueur de castagnettes, c'est le roi de la fête. Pas besoin de corrida, un petit verre de sangria et la foule criarde. Dans tous les bals populaires, présidés par monsieur maire, il y a toujours un fan des toreros. Ébloui par la lumière, illuminé mine fière, il sort sa boîte d'allumettes et fait vibrer ses castagnettes. Dans tous les bals populaires, présidés par monsieur le maire, il y a toujours un fan des toreros et des bravos. Ébloui par la lumière, illuminé mine fière, il sort sa boîte d'allumettes et fait vibrer ses castagnettes. Le joueur de castagnettes, avec sa boîte d'allumettes, il sait

après donc la fiesta, voici donc eh bien le paso du côté de l'Espagne. Et puis juste après, nous traînons tout simplement le cha-cha et puis le fox. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. amor, amor. Le chant d'espoir qui dans le soir vers toi s'élève. Maman, maman, amor. C'est ton amour qui jusque joue verse mon rêve. Mais la nuit qui descend de le ciel vers une étoile, le corps caressant de la mer une voile, le cœur frémissant qui devant toi se dévoile, m'y redonne ton cœur ce son corps. Amor, amor, amor. Quand un baiser m'est refusé, moi je ne pas. Oh amor, maman, amor. Si l'on attend pas très longtemps, l'amour s'en va. Allez, monsieur Jean-Yves.

fait chouchou. Tout le monde fait chouchou. La la la la la. Je mène du côté de l'Espagne. Voici donc la bourrée. Voici donc la valse musette et puis juste après la polka. Thank you. sur Arc-en-Ciel. Voici donc le slow et puis juste après la musette. Comme une belle histoire, mélancolie d'un soir, percée par la musique. Un refrain dans les cœurs qui souffle nos malheurs dans un élan magique. Mélancolie d'un saut, le charme d'un saxo sur cette mélodie qui emmène en voyage les enfants de tout âge et de tous les pays. Comme les vers d'un poème qui rime avec je t'aime, qu'un jour on a écrit. Pour le regard troublant, le parfum envoûtant d'un démon de minuit. Alto soprano, le charme d'un saxo, nostalgie romantique. Balade sur nos lèvres, dans des milliers de rêves, des notes de musique. Une symphonie qu'on écrit, qu'on oublie dans les tiroirs du temps. Partition d'un amour déchiré pour toujours, emporté par le vent. Un instant de bonheur qui fait battre les cœurs de Paris à Rio. Mélancolie d'un saut, le charme d'un saxo dans un dernier solo. Une belle histoire, mélancolie d'un soir, bercée par la musique. Un refrain dans les cœurs qui souffle nos malheurs dans un élan magique. Mélancolie d'un saut, le charme d'un saxo sur cette mélodie qui emmène en voyage les enfants de tout âge et de tous les pays. Passo, et puis juste après, on écoutera un marche disco. We'll be right back. quel temps va-t-il faire? Soleil ou grisaille, il faut bien pourtant que passe la saison. Il se plaint souvent pour un oui, pour un non. Ta malou, dis-moi chérie, ta malou. Aujourd'hui, voyez-vous, on a mal un peu partout. C'est bien l'âge qui ressent, on ne peut rien y changer. Ta malou, dis-le-moi, si on va se soigner. Puis les années passent, les yeux dans les yeux. Ils sont face à face, comme de petits vieux. Ils voient leur jeunesse, les abandonner. Malgré leur faiblesse, ils ont cœur à chanter. T'as mal ci, t'as mal là, et ce matin, t'as mal où. Mal dormi, mal au foie, aux cheveux, j'ai mal partout. C'est bien l'âge qui me sent. Mal dormi, mal au foie, aux chérubes, j'ai mal partout. C'est bien l'âge qui me sent, on ne peut rien y changer. Ta malou, dis-le moi, ensemble on va se soigner. sur Arc-en-Ciel. Voici donc l'Arjava et puis juste après ce sera du côté de Madison. ciel. Petit rond d'un son. la France, c'est bien quand on y pense. Le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est beau la vie, c'est comme une revanche. Passons, on t'aime avec passion. Les canotiers au bord de ta guinguette vont t'amener de belles midinettes. Ah, oui, j'en ai en bord de main, petit robinson. C'est une vie qui remplit un charme et reprend des chansons. Voilà, après Robinson, voici donc le disco. déjà 15h53, et bien voilà, l'émission bientôt touche à sa fin. Voilà donc, avant de se quitter, n'oubliez pas que pour demain, nous sommes déjà à lundi, et à partir de 19h jusqu'à 21h, avec Manu, avec l'émission On The Rock, et puis juste après, 21h jusqu'à 23h, avec Rémi, la rédac du sport. Donc, bien, pour nous, on va se quitter, qu'on va se retrouver donc, eh bien, dimanche prochain. Toujours pareil, tout simplement avec monsieur la musique, bien sûr, de l'accordéon. Et puis, on se retrouve aussi dans la semaine, le mardi et le vendredi, à partir de 13h30, tout simplement. Voilà. Donc, eh bien, je vais te passer une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis bon saint tous et vous toutes. We'll be right back. são 3 horas, 2 nos Açores. As notícias numa síntese com jornalista Antena 1, Sandra Henriques. Pedro Nuno Santos propôs hoje, no discurso de encerramento do Congresso do PS, o aumento do salário mínimo para pelo menos 1.000 euros até ao final da próxima legislatura. Perante o Congresso, o novo secretário-geral socialista afirmou que uma das preocupações dos portugueses está no baixo nível dos salários. Pedro Nuno Santos compromete-se, por isso, caso seja eleito primeiro-ministro, a continuar o caminho de subida feito pelo governo de António Costa. O país avançou muito nos últimos 8 anos, mas temos consciência de que há muito para fazer. O governo atual havia definido como meta o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 820 para 900 até 2026. Nós propomos que no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja pelo menos os 1.000 euros. Compromisso assumido por Pedro Nuno Santos, que defendeu ainda uma reforma das fontes de financiamento da Segurança Social, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, em particular no que diz respeito à saúde oral, mas também a valorização da carreira médica e o aumento dos salários de entrada na carreira para os professores. Num discurso ainda muito centrado na economia, o líder do PS defendeu também um programa de apoios seletivos em áreas estratégicas com potencial de transformação da economia portuguesa. O presidente do PSD acusou o governo de ter tido tudo na mão e não ter feito nada. Luís Montenegro afirma que o PS teve a cooperação de todos os órgãos de soberania e não aproveitou. Quem teve tudo isso na mão e não conseguiu, não tem autoridade moral para pedir e não vai ter a confiança para receber o voto dos portugueses no próximo dia 10 de março. Declarações de Luís Montenegro esta tarde em Vila Nova de Famalicão, onde afirmou também que o PS agora culpa tudo e todos pela crise política em que o país mergulhou, mas a crise é da inteira responsabilidade do PS. Na Madeira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse hoje que acredita a região vai manter a tradição de dar a vitória ao PSD nas eleições legislativas de 10 de março. Miguel Albuquerque afirmou que nada aponta que nas eleições de 10 de março seja o contrário. Declarações feitas à margem de um convívio com um bolo rei gigante oferecido à população em Câmara de Lobos. A Eslovénia volta a ser afetada por fortes cheias, menos de meio ano depois das grandes cheias de agosto. 5 pessoas estão presas numa caverna desde ontem à tarde. As chuvas muito fortes no sul da Eslovénia fizeram subir o nível das águas, deixando pessoas presas. Gonçalo Costa Martins. O resgate vai ter de esperar. A gruta Krisnayama, onde se encontram as 5 pessoas presas, tem demasiada água. As autoridades prevêem que a situação se mantenha nas próximas horas. Espera-se que o nível da água baixe no final deste domingo, mas no pior dos cenários, o salvamento de barco pode demorar alguns dias. Ainda assim, a família de 3 pessoas e os 2 guias turísticos estão bem numa zona mais alta da caverna e têm comida, roupa e uma tenda aquecida, descreve a televisão pública eslovena. Os mergulhadores vão demorar pelo menos 3 horas a chegar a este grupo. É preciso percorrer 2 quilómetros a partir da entrada da gruta no sul da Eslovénia. As equipas de resgate não têm, por enquanto, possibilidades de resgatar a família de 3 pessoas e ainda 2 guias turísticos. Em Gaza, há registro de 113 palestinianos mortos e 250 feridos nas últimas 24 horas, balanço feito ao final da manhã pelo Ministério da Saúde de Gaza. Em 3 meses, o total de palestinianos mortos ultrapassou os 22.800, o total de feridos ultrapassa os 58.400. Hoje, no sul de Gaza, 2 jornalistas palestinianos morreram na sequência de um ataque aéreo feito por Israel. Foi perto de Rafah que os jornalistas foram atingidos quando seguiam de carro em trabalho. Eram freelancers, portanto não trabalhavam por um órgão de comunicação social em particular, mas Al Jazeera já veio condenar o que considera ser o assassinato destes jornalistas. Um deles fez trabalho para a estação e o pai dele é correspondente-chefe de Al Jazeera em Gaza. A cadeia televisiva com sede no Qatar afirma mesmo que os jornalistas foram alvejados. Um 3º jornalista ficou ferido. A informação Antena 1, numa edição de Sandra Henriques. Toda a atualidade em permanência em noticias.rtp.pt. Dentro de instantes, tarde desportiva com João Gomes Dias, Alexandra Alho e Carlos Santos. Janeiro e Paulo Novaes, juntos ao vivo. Saí para te ver passar. A canção portuguesa junta-se à MPB na apresentação ao vivo do disco Protocolar Volume 2. Em janeiro, dia 12, Salão Brasil, Coimbra. Dia 13, Teatro Cine de Torres Vedras. Janeiro e Paulo Novaes, juntos ao vivo. Concertos, Antena 1. Gil Vicente. Portugal e Espanha, nos primórdios do teatro europeu. Uma uma exposição organizada pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança, em parceria com o Museu Nacional do Teatro de Espanha, com conferências académicas, conversas com artistas e apresentação de espetáculos. Até 28 de Abril, Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do Teatro Europeu. Apoio Antena 1. Fado Cravo, com Aldina Duarte. No regresso para a terceira temporada de uma conversa em que a experiência de cada convidado, com a vida e com a arte, faz uma noite de rádio. Esta semana com Sara Pereira, diretora do Museu do Fado, desde a sua inauguração até aos dias de hoje. Fado Cravo, com Aldina Duarte, onde o fado é ponto de partida e de chegada. Segunda-feira, depois das 11 da noite. Antena 1, Penela, Soure e Pampilhosa da Serra, 87.9. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma tarde desportiva. A partir de agora estamos também em simultâneo com a RDP África e RDP Internacional e dezenas de estações emissoras espalhadas pelo mundo que se ligam ao som da nossa rádio. Vamos ficar consigo até às 6 da tarde para acompanharmos desde logo um jogo da Segunda Liga que arranca às 3:30 da tarde. Feirense-Torriense. Na Liga 3, atenções centradas no Atlético Alverca, que se joga há sensivelmente 3 minutos e meio e até já tem um golo. Já vamos perceber de quem. Vamos ainda naturalmente atualizar resultados das várias séries do Campeonato de Portugal, olhar também para aquilo que é a Liga Principal Feminina. Lá por fora, vários destaques nas principais ligas e taças do futebol europeu. Nas restantes modalidades, destaque para o atletismo, o basquetebol, o futsal, o rugby, a canoagem, o ténis, todo o terreno e também voleibol. Teremos ainda as habituais rubricas, o Move por Valores e o Sem Liga. Hoje vamos viajar até Mira de Aire, numa emissão também com muitos motivos de interesse, com entrevistas. Desde logo, vamos estar à conversa com José Peseiro, antes de o selecionador português da Nigéria jogar a Taça das Nações Africanas. Para escutar ainda o novo selecionador de hóquei em patins e a propósito dos Jogos Olímpicos deste ano de 2024, vamos escutar uma das últimas atletas qualificadas para esse grande evento que se realiza em Paris, bem como as projeções feitas pelos líderes federativos da canoagem e também do atletismo, duas modalidades que se têm destacado nos últimos anos em Portugal. É muita e muita coisa, como já percebeu, menu super recheado ao longo das próximas quase 3 horas. Está feito o convite para ficar desse lado. Venha connosco. Antena 1, Desporto. Sem mais demoras, vamos começar na Liga 3, uma vez que, como lhe disse há instantes, no jogo que acompanhamos já a golo, Atlético Alverca arrancou às 3 da tarde e Nuno Perlouro, muito boa tarde, bem-vindo a esta tarde esportiva. Não tiveste que esperar muito tempo para ver a equipa da casa adiantar-se no marcador. Olá João, boa tarde especialmente para si que ouve a nossa rádio. Assim mesmo, o Atlético já vence por 1-0. O golo aconteceu logo aos 3 minutos, um pontapé de canto do lado direito e na pequena área o capitão Hugo Ventosa a desviar do guarda-redes do Alverca e a inaugurar o marcador. É um jogo importante para estas duas equipas que estão na luta pelo apuramento para a fase de subida. O Atlético é quarto com 23 pontos, um lugar abaixo e com um ponto a menos está o Alverca. Vamos às equipas, o Atlético com Nelson Pinhão na baliza, depois na defesa João Costa, Bruno Almeida, Hugo Ventosa e Dinamite, meio campo para Pipo, Paulinho, Tiago Morgado e Pedro Pinto, mais à frente Balotelli e também David Silva. Do lado do Alverca, João Bravim é o guarda-redes, na defesa Jorge Bernardo, Pedro Venac, Diogo Ramos e Vítor Bruno, meio campo para Pedro Bicalho, Ricardo Rodrigues, Iago Oliveira e Luís Miguel, mais à frente João Costa e Achadi. O árbitro é Hugo Silva. Estamos agora com 7 minutos da primeira parte. Atlético 1, Alverca 0, golo do capitão Hugo Ventosa. Jogo da Liga 3 que está a ser acompanhado aqui na tarde esportiva pelo Nuno Perlouro. Antena 1, Desporto. Não é o único jogo da Liga 3 com início às 3 da tarde. Também a esta hora arrancam Pedro Pinheiro, Oliveira do Hospital, Anadia Vianense e também São Joanense Braga B. Olhando para aquilo que são também os resultados nestas mesmas partidas, para lá deste 1-0 já da equipa do Atlético em casa, nenhuma outra das três partidas está com golos. Às 5:30 joga-se o Sporting B, 1 de dezembro, às 7:30 o Caldas Académica. Daqui a pouco vamos voltar também ao futebol não profissional, porque hoje no Campeonato de Portugal há um espetacular Beira-Mar Salgueiros, 6 minutos da primeira parte. Daqui a pouco vamos falar desse encontro. Desporto, Antena 1.